Kusimama mbele yako uzima wetu uko mikononi mwako unawapa nguvu wanyonge kurudia wewe Mungu wangu. Wakuabudu ila Jehova Abongi na kembo Jehova Nasanjola nani Mtetezi wangu yu hai.

Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia. Twakuomba kwa unyenyekevu, utupe hekima na busara, sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania, iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.